Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, l'écrasement d'avion de Tenerife en 1977. C'est une catastrophe qui se chiffre par centaines. 562 morts et 72 blessés. C'est, dans l'histoire de l'aviation, la plus grande catastrophe de tous les temps. Le 27 mars 1977, quand un Boeing de KLM entre en collision avec un Boeing de la Pan Am à Tenerife, aux îles Canaries, la nouvelle fait vite le tour du monde et partout on parle, comme le faisait à l'instant Patrick Poivre d'Arvor au journal télévisé français, partout donc, on parle de la plus grosse catastrophe de l'histoire dans le monde de l'aviation civile. C'est finalement 583 personnes qui vont perdre la vie dans l'écrasement qu'on va appeler l'écrasement du siècle. Au Téléjournal ce soir, mesdames, messieurs, il sera question de la pire tragédie de l'histoire de l'aviation civile internationale. Plus de 500 personnes, dont 4 Canadiens, sont mortes dans la plus grande catastrophe aérienne de l'histoire à Santa Cruz de Tenerife, aux îles Canaries, lorsque deux avions Boeing 747 sont entrés en collision au sol au moment de leur décollage. Les deux appareils appartenant aux compagnies KLM et Pan American ont littéralement éclaté sous l'impact. Le bilan définitif de la catastrophe ne pourra être établi avant plusieurs heures, mais on sait déjà qu'aucun des passagers de l'appareil hollandais n'a survécu. L'avion de la Pan Am aurait croisé la route du Boeing de KLM, rendant la collision inévitable. Sous le choc, les réservoirs ont pris feu et l'explosion a pu être entendue à plusieurs milles de distance. Des milliers de morceaux de métal ont volé dans les airs, de même qu'un certain nombre de passagers qui ont eu ainsi la vie sauve. Une immense colonne de feu s'est élevée dans le brouillard qui recouvrait alors les îles Canaries, accentuant l'idée de cauchemar dans ce paradis du tourisme. Normand Harvey au Téléjournal du 27 mars 1977 pour nous rappeler la tragédie de Tenerife et pour nous parler des leçons aussi qu'on va en tirer. J'accueille l'animateur et journaliste sportif Pierre Houde, qui est aussi un passionné d'aviation et qui est aussi pilote lui-même. Pierre Houde, bonjour. Bonjour, Jacques. On parle souvent, Pierre, de cet écrasement, de cet accident de Tenerife comme de l'écrasement du siècle, du 20e siècle. Pourquoi? Ben en fait, on en parle de cette façon parce qu'il est probablement celui qui est survenu à la suite de la chaîne la plus invraisemblable de circonstances. Et on en parle aussi de par la réalité des deux appareils mis en cause dans cet accident. C'était les stars du ciel dans les années 70. Les deux Boeing 747, qui étaient évidemment les avions qui avaient la plus grande capacité de passagers. Donc, si vous mettez ces deux éléments ensemble, vous avez une catastrophe difficile à expliquer. Et vous avez aussi une catastrophe d'une ampleur inégalée jusqu'à maintenant. Sans compter le nombre de victimes très, très grand, 583 personnes, il y a des enfants. C'est horrible, en fait. Puis il y aura des images qui, très, très vite, feront le tour de la planète. Bien sûr. Comment on en arrive à cette catastrophe du 27 mars 1977? Il faut dire que c'est un peu étrange, mais ça fait partie justement de cette succession d'événements Absolument. Dont vous parliez. Tout commence par un attentat à la bombe à l'aéroport de Las Palmas. Exactement. Les deux appareils doivent se rendre à cet endroit. Et je vous souligne, Jacques, que les deux appareils étaient nolisés. Ce n'étaient pas des liaisons régulières, ni de KLM, ni de la Pan American. C'était de mise à l'époque par les grossistes en voyage, par les opérateurs de croisière, de noliser des avions de grande capacité et on amenait les touristes autant d'Amérique du Nord que d'Europe. Alors, le Pan Am arrive de la côte ouest via New York, le KLM arrive d'Amsterdam et en route vers Las Palmas, on apprend qu'il y a effectivement une explosion de nature terroriste à l'intérieur du terminal. Et parce que les réserves de carburant sont à leur minimum, lorsqu'on complète la traversée, lorsqu'on complète le voyage, eh bien, il faut réagir rapidement et on a décidé tout simplement d'amener tous les appareils qui convergeaient vers Las Palmas, vers Tenerife. Oui. C'est un groupe d'indépendantistes qui fait sauter cette bombe dans le terminal, dans l'aéroport de Las Palmas, qui est évidemment le principal aéroport des îles Canaries. Exact. Donc, tous ces gros porteurs se retrouvent dans ce petit aéroport. Les gens c'est un week-end, les gens sont mal formés, il y a moins de personnel parce que de mémoire, c'est un dimanche. Tout ça contribue là, à ce qui va se passer. Et puis, il y a l'élément, parlons un petit peu des deux avions, mais des deux équipages aussi qui arrivent à Santa Cruz. Il y a beaucoup de fatigue dans l'air. Il y a eu des vols qui ont été très, très longs, entre autres. Surtout l'équipage de la KLM, parce que l'équipage de la Paname a été changé à New York. Alors, il y a un équipage qui a fait la traversée du continent, en fait du pays, des États-Unis, alors que l'équipage de la KLM venait donc de faire tout le voyage, tout le trajet. Mais effectivement, il y avait déjà la fatigue, le stress qui est lié à l'opération normale de tous les jours d'un équipage dans de telles circonstances. Et il y a à bord du KLM un capitaine qui est une vedette. Ça aussi, ça va compter dans l'équation. Beaucoup. Van Zanten avait 50 ans le jour de la catastrophe. Et il avait été, c'était un très bel homme, il avait vraiment une gueule d'acteur de cinéma. Et la KLM l'avait utilisé dans des publicités dans le passé. C'était un pilote vedette, c'était une star comme tel. Il avait aussi la responsabilité, c'était le principal chef instructeur des pilotes pour la KLM. Et ça, je vous en parle, Jacques, parce qu'éventuellement, ça va venir dans les conclusions officielles ou non officielles de l'accident. Mais oui, il y a le facteur humain, le facteur des personnalités qui entre en ligne de compte. Et le facteur, allons-y tout de suite, le facteur, puisqu'il fait beaucoup de formations, c'est un as pilote donc, une vedette de la KLM, avec peut-être ce petit bémol qu'il a perdu le sens du terrain parce qu'il ne vole presque plus, ce mec-là. Et on en est conscient aujourd'hui dans l'aviation moderne. Oui, il faut former des pilotes et vous savez que présentement, il y a une demande incroyable à travers le monde. Il faut former rapidement des pilotes. Donc, les pilotes d'expérience sont fortement sollicités pour faire de l'enseignement, de la formation en simulateur. Oui. Le simulateur est d'une exactitude incroyable, Jacques, parfaite, sauf à un élément. Le simulateur se corrige et retrouve son assiette normale si vous faites une gaffe de nature fatale. Oui. Revenons donc à ce qui se produit ce jour-là, ce fatal 27 mars 1977. Comment va se produire? Qu'est-ce qui va amener éventuellement ces deux appareils à entrer en collision l'un avec l'autre? Ironiquement, c'est le fait qu'on a résolu la crise terroriste à Las Palmas. Parce que ça part de là. Ça part du fait qu'on a dit ben, tout est réglé, tout est terminé. On a maintenant un terrain sécuritaire à Las Palmas. Alors, les avions sont autorisés à retourner avec leurs passagers. Alors, tout commence là, dans le fond. Parce qu'ils sont... En fait, ils doivent atterrir à Santa Cruz parce que Las Palmas est fermée à cause de cet appel à la bombe. À partir du moment où c'est réglé à Las Palmas, ces deux gros Boeing retournent... C'est 10 minutes de vol. Là, retournent se poser là où ils devaient se poser d'abord, à Santa Cruz. Bon, et là commence toute la suite de choses inexplicables ou explicables, mais qui sont tellement grossières lorsqu'elles sont mises l'une après l'autre. Parce que là, lorsque les avions sont arrivés, l'aéroport de Tenerife, on doit le comprendre, est conçu, pour avoir des opérations commerciales courantes à tous les jours, mais pas pour accueillir un tel genre de trafic, si vous me permettez l'expression. Alors, on doit d'abord et avant tout composer avec ce qu'on a et ce qu'on n'a pas. On a une piste de décollage et d'atterrissage et on a une voie de circulation. Et c'est tout. Et on a évidemment des voies de dégagement qui relient les deux. Donc, on doit garer les avions quelque part et ils sont de taille inhabituelle quand on parle des 747. Il y a un engorgement qui se crée tout à fait naturellement sur la voie de circulation ou à une extrémité de la voie de circulation qui la rend impraticable. C'est le Boeing, on va parler de ces deux Boeing surtout, parce qu'effectivement, il y a plusieurs appareils à l'aéroport, mais c'est le Boeing KLM qui arrive en premier. Et le pilote, parce qu'il veut regagner le plus vite possible Amsterdam, éventuellement, quand il aura l'autorisation de décoller, décide de faire le plein à Tenerife. L'avion qu'il suit, c'est celui de la Paname. Ils ont le feu vert. On peut revenir, atterrir dans l'aéroport de Las Palmas. La Paname est bloquée. Donc, c'est KLM qui fait le plein, qui bloque l'appareil de la Paname. Et là, Jacques, vous avez vraiment mis le doigt sur les deux facteurs qui amorcent cette histoire tragique. Et ramenons d'ailleurs le facteur humain de Van Zanten. Van Zanten, le pilote de la KLM, le capitaine sent beaucoup de pression. Parce que lui voit venir la suite des choses, veut absolument être à l'intérieur des normes d'heures de vol maximales qui sont permises. Et il doit donc prendre des décisions pour accélérer le processus. Donc, il est en mode, dans sa tête, précipitons les choses. Ouais. d'où vient la demande de faire le plein là plutôt qu'à Las Palmas. C'est important parce que l'avion sera beaucoup plus lourd qu'il aurait dû être en principe. Mm-hmm. Vous avez raison, il est le premier à circuler. Maintenant, il ne peut pas circuler par le chemin normal, puisque la voie de circulation est obstruée par les autres appareils et par le camion-citerne. Ouais. Alors, on fait ce qu'on fait souvent en aviation légère. On lui dit de remonter la piste. Il fera un 180 degrés au bout de la piste et aura ensuite l'autorisation de décoller. Donc, il remonte la piste dans le sens contraire. Dans le sens contraire. Il se positionne à l'autre bout en faisant 180 degrés, prêt à partir. Et là arrive donc le Paname qui le suit, s'engage aussi par la même voie. Il n'a pas le choix. Il remonte aussi la piste à son tour. Absolument. Il suit le KLM. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? L'instruction qu'il reçoit, d'ailleurs. Ouais. Suivez le KLM. Et on s'attend à ce que, évidemment, l'avion de la Paname, lorsqu'il aura dépassé l'engorgement de la voie de circulation, pourra utiliser une voie de dégagement pour aller vers la voie de circulation libre et rejoindre la piste derrière celui de la KLM. Et ça, c'est l'objectif des contrôleurs aériens. Ouais, et c'est la voie 3 qu'on lui dit de prendre à l'appareil de la Paname. C'est un peu compliqué, j'espère que les auditeurs nous suivent toujours. Mais très bon. Simple, Jacques. En réalité, la voie numéro 3, elle est dans l'angle inverse. Vous avez pris l'avion souvent, ouais. vos auditeurs aussi. Vous avez remarqué que les dégagements ont des angles qui favorisent ouais. la sortie de piste rapidement et qui favorisent l'intégration rapide de la voie de circulation. On demande à la Paname d'utiliser la voie de circulation inverse, ce qui est très difficile ouais. sur le plan technique. La numéro 3, finalement, ce sera la 4 que choisira d'emprunter l'équipage de la Paname. Et là, on entre dans la confusion au niveau des communications qui va être majeure dans cet écrasement là, qui va suivre dans quelques minutes plus tard dans le déroulement de l'événement. Oui. Qu'est-ce qui se passe sur le plan des communications? Qu'est-ce qui fait que les deux avions vont finir par entrer en collision? Et ça, c'est la deuxième phase de l'histoire tragique. Vous le décrivez très bien. Et j'ajoute un élément en toile de fond. Le brouillard est tombé sur l'aéroport au moment où on faisait le plein du 747 de la KLM. Si on ne fait pas le plein à ce moment-là, et s'il n'y a pas le retard de cette opération... Tout le monde se voit. Il n'y a pas de brouillard et on se voit. Ouais. Et ça, c'est extrêmement important, parce que là, on est à l'air où il n'y a pas de transpondeurs ouais. qui sont en fonction au sol, et les contrôleurs au sol n'ont pas l'équipement pour voir sur des écrans radar ouais. la circulation. Donc, et c'est là où on se perd un peu en conjecture. Est-ce que Paname a délibérément raté, n'a pas vu la voie numéro 3 à cause du brouillard ou a voulu l'éviter compte ouais. tenu de l'exiguïté de la manœuvre qui était presque impossible à ouais. faire? Et en fait, le KLM, toujours dans cette confusion autour des communications, avec des contrôleurs qui, à Tenerife, ont un fort accent espagnol, mm-hmm. parlent mal anglais, la KLM attend son autorisation de décollage, l'avion de la Paname doit quitter la piste principale. Est-ce qu'il prend délibérément la voie 4 plutôt que la voie 3, ce qui rallonge son temps de voyage? On ne le sait pas. Mm-hmm. Toujours est-il que qu'est-ce qui se passe pour que KLM se dise « ça y est, je peux décoller », alors que du côté de la Paname, on entend le contraire. Alors Jacques, il y a une séquence de procédures et de communications. Il y a la première séquence qui est l'autorisation en route et non l'autorisation de décoller. Alors, autorisation en route vous rappelle l'ensemble de votre plan de vol. Alors, vous rappelle, disons, les différents points que vous devrez suivre sur votre plan de vol. Vous rappellera les altitudes qui sont prévues. Vous rappellera différentes intégrations et différentes sorties et intégrations que vous devrez respecter, mais qui ne sont pas des instructions mm-hmm. de décollage ou d'atterrissage ou d'autorisation. Ce sont vraiment des autorisations en vol, en route, qui doivent être enregistrés et répétés par le commandant ou par le premier officier. Et on doit, à ce moment-là, attendre plus tard l'autorisation de décoller. Et habituellement, les autorisations en route sont faites avant même de circuler. Donc, on aurait dû faire ça précédemment. Mais ouais. parce que KLM et Van Zanten, le capitaine, voulaient absolument décoller rapidement, on a fait cet échange d'autorisation en bout de piste, ce qui était déjà très, très, très en dehors des normes habituelles. Oui. Donc, Van Zanten est convaincu qu'il a son autorisation, son feu vert pour décoller. Mais il y a toutes sortes de communications radio qui se poursuivent. On vérifie auprès de la Paname s'ils ont bien dégagé la piste. Et c'est là où il y a encore une confusion. Deux communications se font en même temps. Et donc, le pilote de la KLM n'entend pas le fait que Paname est encore sur la piste. Exactement. Alors là, c'est vraiment la nature technique des communications qui s'ajoute à cette catastrophe. Quand Van Zanten, le capitaine de la KLM, fait référence au décollage, il y a un déclic qui se fait autant chez les contrôleurs que chez les pilotes de la Paname. Et les deux vont transmettre en même temps. La Paname transmet à la tour de contrôle « Hey, on est toujours sur la piste. J'entends bien décollage, on est toujours sur la piste, je vous le rappelle. » Les contrôleurs aériens cherchent à rejoindre KLM pour dire « Attendez mon instruction de décollage. » Et parce que, encore aujourd'hui, croyez-le ou non, en 2017, il y a encore des interférences entre les communications. Il y a eu ce qu'on appelle le chevauchement des ondes VHF. Et en bout de ligne, la KLM n'a entendu ni l'un ni l'autre. Ce qui fait qu'il part. Il met plein gaz, la KLM s'apprête à décoller, et voici ce qui se passe. I started yelling to get off the runway. J'ai commencé à crier pour que l'on s'enlève de la piste, et le capitaine a tenté de faire tourner notre appareil. J'ai ensuite regardé par la fenêtre à ma droite, et j'ai vu l'avion de KLM quitter la piste et s'élever dans les airs. J'ai fermé les yeux, je me suis accroupi, et j'ai fait une prière en espérant qu'il nous évite. Basically, I said a real short prayer about I hope he misses us. All it was with a very short bump, like boom. Puis, j'ai senti un petit choc. Pas de gros bruit, pas de vibration. Alors, je me suis dit, Dieu merci, il nous a manqué. Mais quand j'ai regardé vers le haut du cockpit, en direction de la poignée coupe-feu, je me suis rendu compte que le toit de notre avion avait disparu. And that's when I first noticed that the top of the airplane was gone. Robert Bragg, le copilote à bord du Boeing de la Paname, qui décrit donc comment il vit tout ça. Il a l'impression, au fond, que, bon, on a évité le pire, puis il se rend bien compte. C'est un extrait de l'émission Witness diffusée à BBC World Service en mars 2016 qu'on entendait. Il se rend compte que, finalement, non, ça a fait mal, cette collision-là. Qu'est-ce qui se passe au moment de l'impact, Pierre-Houd? Ben, en fait, ceux qui étaient à l'avant de l'appareil, vous connaissez la configuration du 747, là, cette espèce de bulle et le fait qu'il y a des passagers. À l'époque, c'était un salon qui était au deuxième étage et le poste de pilotage. Et tous ceux qui étaient à l'avant de l'appareil ont finalement n'ont pas été « heurtés » entre guillemets par le 747 de la KLM. Ce sont donc ces gens qui, tout à fait par hasard, étaient là et qui se retrouvent en vie encore, pas nécessairement encore aujourd'hui, mais qui ont survécu à la tragédie. Et ce qui est important de rappeler, c'est que lorsque les pilotes de la Paname ont aperçu finalement l'avion de la KLM, on a tout tenté. Oui. On a non seulement utilisé les dispositifs pour tourner l'appareil, mais on a mis plein gaz du côté droit pour tourner à gauche. Et ça a contribué un peu à la suite de l'événement, parce que les moteurs tournaient toujours à plein régime dans le cas du Paname, du côté droit. Alors, mais la manœuvre, quand même, d'évitement, même si elle a été faite que très partiellement, a peut-être sauvé la vie à plus de 60 personnes. Parce que quand l'appareil KLM est en avancée pour décolle, en fait, la Paname est déjà en oblique. L'appareil Paname est déjà en oblique. Vous pouvez voir un peu l'image. Il essaie, le pilote de KLM, d'ailleurs, en poussant plein gaz, de faire une opération de saut. Mais il réussit pas à monter assez rapidement. Et là, il y a collision, en fait. Et là, vous avez toute la lourdeur du plein d'essence qui a été fait. Parce que, comme vous savez, la portance est relative à plusieurs facteurs, Jacques. Elle est relative à l'air ambiant, à la densité de l'air, mais elle est surtout relative au poids de l'appareil. Si l'appareil est plus léger, il y a de bonnes chances qu'on réussisse à faire le saut de mouton au moins par-dessus le 747 de la Paname. Les gens qui sont à bord du KLM, aucun survivant. Personne ne survivra à cet accident. Du côté, vous le disiez, de la Paname, il y aura des chanceux à l'avant de l'appareil surtout. Comment ils vont réussir à s'en sauver? Bien, ils vont réussir d'abord en ayant beaucoup de courage. Dans certains cas, il fallait sauter de très haut et d'essayer de fuir le plus rapidement possible. Parce que je vous rappelle, ce qui est très important, il y a des moteurs qui tournent à plein régime encore. Et déjà là, on est dans une zone extrêmement explosive, c'est le cas de le dire. Alors, donc, ils ont été d'abord chanceux d'être là où ils étaient dans l'appareil. Et après ça, il fallait avoir le courage, littéralement, de sauter de très, très haut et de risquer des fractures et des blessures. Heureusement, il y a eu des bons samaritains qui étaient au sol et qui aidaient tous ces gens-là. Oui. Donc, il y aura évidemment, compte tenu de l'ampleur de la catastrophe, de toute façon, c'est toujours le cas, mais il y aura une enquête d'instituer pour déterminer les causes de l'accident. Le rapport, au fond, va établir 9 causes. On les énumérera pas toutes, Pierre-Houd, mais en gros, on parle de confusion, confusion de problèmes de langue. langues, de confusion dans les communications, deux communications qui se font en même temps. KLM n'entend pas ce qui se dit. Fatigue de certains pilotes. KLM qui veut rentrer pour des raisons internes, des nombres d'heures à respecter. C'est vraiment cette succession dont vous nous parliez au début. L'autorisation de décollage qui n'est pas l'autorisation de décollage comme telle, c'est compris comme ça. Le brouillard, le plein d'essence. Bref, ça nous mène tout ça à la catastrophe qu'on sait. Mais est-ce que dans tout ça, il y a un grand responsable que l'on peut pointer du doigt? En tout cas, pour le pilote de la Paname, Robert Bragg, l'affaire est entendue. À nouveau, un extrait de l'émission Witness à la BBC. I always, from day one, believe that it was the KLM captain's fault. Depuis le jour de l'accident, j'ai toujours eu la conviction que la faute revenait au pilote de KLM, qui a décollé sans autorisation. Il a ignoré tous les protocoles. Personne ne saura jamais pourquoi il était si pressé, ni pourquoi il a voulu décoller de cette manière. À quelle mesure, Pierre-Aude, on peut attribuer ou pas à ce pilote, à ce capitaine de la KLM, la grande responsabilité, la responsabilité ultime de cette catastrophe-là? Moi, j'endosse ce que le pilote de la Paname a comme conclusion pour une raison très simple. C'est peut-être un peu cruel et un peu lourd, mais la responsabilité absolue revient à un capitaine d'un appareil. Et parmi le cahier de charges incontournable, vous avez la responsabilité d'agir selon des instructions claires, des instructions non plus que raisonnables, des instructions de base qui régissent l'aviation commerciale, et Van Zanten n'a pas appliqué, même dans le doute, même avec toutes les circonstances atténuantes, Van Zanten n'a pas respecté la base des responsabilités d'un capitaine. D'autant qu'un copilote, un de ses copilotes, lui dit à un moment donné, mais est-ce qu'on vient pas, est-ce que l'avion de Paname est vraiment, n'est plus sur la piste, parce qu'il lui entend, déduit que l'avion est peut-être encore sur la piste. Et c'était son ingénieur et non pas son premier officier, parce qu'il y avait trois pilotes dans les cockpits à l'époque. Donc l'officier en second était plutôt celui qui gérait les cadrans et s'assurait que les composantes de l'appareil étaient bonnes. Lui regardait vers l'avant et avait cru comprendre que le Paname n'avait pas quitté la piste. Mais par souci de hiérarchie, et ça aussi, on n'en est venu qu'à changer les règles par la suite, il a été hésitant dans son alerte à son capitaine. Et Van Zanten a quand même amorcé la course de décollage. Vous nous tendez la perche, mais les leçons qu'on va tirer de ça, qu'est-ce qui sera changé comme règle ou comme façon de faire après? Il y a deux grands courants. D'abord, le langage universel. Tout l'univers de la communication verbale a été adapté et standardisé. Et ça touche même les pilotes de petits avions que je suis. Nous devons tous respecter maintenant une procédure d'échange, et nous devons respecter une terminologie qui est maintenant internationale. Répéter aussi, Alors, il fut un temps où on disait « Roger » simplement après une instruction. Maintenant, nous devons répéter l'instruction aux différents contrôleurs. Pierre-Aude, animateur, journaliste sportif, pilote passionné du monde de l'aviation. Merci beaucoup, Pierre. Merci, Jacques. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.